بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. فهذا الدرس 11 في كتاب العلامة الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، فيه الحكمة والعقل. Donc c'est notre 11e cours dans le livre de Cheikh Rabi, son éminence Cheikh Rabi حفظه الله تعالى, la voix le prophète alayhi salatu wassalam dans le da'wa, c'est dans la voie du prophète alayhi salatu wassalam dans le da'wa, dans laquelle il y a, c'est dans la méthodologie du prophète alayhi salatu wassalam qu'il y a la sagesse et la raison. Et c'est notre 11e cours dans ce livre, inshallah. وقفنا عند قوله حفظه الله تعالى وهكذا دعوات كل الأنبياء كلهم ساروا في هذا المنهج في الدعوة إلى توحيد الله وعبادته وحده أولا، وواجههم أقوامهم إلا من هدى الله بالسخرية والتكذيب والاستهزاء، كما قال تعالى وكما أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. Donc nous sommes arrêtés à ce chapitre où Cheikh حفظه الله تعالى il dit: et c'est ainsi la da'wah du prophète alayhi salatu wassalam. Tous ils ont pris ce chemin dans la da'wah. Tous ils ont pris ce chemin dans la da'wah, qui est le fait d'appeler vers Allah subhanahu wa ta'ala, et vers le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr leur peuple se sont opposés à eux, sauf ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a guidés. Et leur peuple se sont moqués d'eux, les ont démentis, hein, les ont insultés, les ont pris comme menteurs. Et il est dit dans Sourate Zukhruf, combien nous avons envoyé comme prophètes dans les premiers, c'est-à-dire dans les peuples anciens, et chaque fois qu'un prophète leur arrive, ils sont moqués de lui. ويقول الشيخ حفظه الله وما أشد التكذيب والاستهزاء والسخرية على النفوس المؤمنة الأبية، إنها أشد عليهم من وقع السيوف ومن السجون والتعذيب. ولقد عبر عن هذا المعنى الشاعر العربي بقوله وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند. Donc, الشيخ بن ندير حفظه الله تعالى يكون bien c'est lourd. Combien c'est lourd le fait de démentir quelqu'un, le fait de se moquer de lui. Combien c'est lourd pour les croyants. Et pour les croyants, c'est très lourd le fait d'être démenti, le fait qu'on se moque d'eux. Et ceci est beaucoup plus sévère et beaucoup plus dur que les armes, que d'être jeté en prison ou d'être maltraité. Et dans ce sens-là, c'est à chercher à citer un poème qui dit « Il est injustice de ceux qui sont proches sont plus durs sur la personne qu'une épée. » ولقد سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ الشيخ دونديف عائشة رضي الله تعالى عنها a posé la question au prophète عليه الصلاة والسلام est-ce que il y a un jour plus dur pour toi que le jour de Hud? Est-ce que tu as subi? Est-ce que tu as eu un jour plus sévère pour toi que le jour de Hud? فبارك الله فيكم انظروا إلى سؤال فقيهة هذه الأمة الصديقة بنت الصديق قالت وكانت تعرف شدة يوم أحد رضي الله عنها هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد فما قالت ما هو أشد يوم من يوم أحد maintenant regardez frère Allah عز وجل méditez cette question de la véridique fille du véridique qui عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها Il savait, radiallahu anhu wa arda, ça te prouve la jurisprudence de cette jurisconsulte de la communauté. Et ça te prouve la clairvoyance et la compréhension qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à ses nobles compagnons. Et regardez cette question de Aïcha, radiallahu ta'ala, il dit, alors qu'il savait, radiallahu anhu, que le jour de Hud, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, la communauté, des compagnons avec l'association ont subi beaucoup le jour de Hud. Ils savaient que c'était une journée qui était dure pour le prophète alayhi wa sallam, pour la communauté des compagnons. Et il a dit au prophète alayhi wa sallam, est-ce que tu as eu un jour plus dur que le jour de Hud? Il ne lui a pas dit c'est quoi le plus dur jour? Hein? C'est quoi le plus dur jour en dehors de Hud ou après Hud? Mais il lui a dit, est-ce que tu as subi un jour plus dur que Uhud? Yom Uhud, Yom Ma'ruf, Ladeikum Jami'an. Yom Ma'ruf, Ladeikum Ma'ruf, Afihi, Mis Sahabati, Radwanullah Alayhi. Sudjida fi, Sab'una Sahabiyan. Wa Jusha, Wa Shusha, Rasu Rasulillah, Sallallahu Alayhi Wasallam. Wa Kusirat Ihda, Asnanuhu, Salawatu Rabbi, Wa Salamu Alayhi. وسماه الله في القرآن مصيبة وقعد ذلك اليوم سماه الله سبحانه وتعالى في القرآن مصيبة ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم فهنا الله عز وجل بكوني سيتوس سكو لكم من محمد عليه الصلاة والسلام السنوب لكمبانيون ont subi le jour de Hud. C'est une journée qui était énorme, qui était très dure pour le prophète et pour ses compagnons. 70 compagnons de Mohammed sont morts en martyr ce jour-là. Et Rasoul a été blessé dans sa tête. Sa tête s'est ouverte par une blessure. Une des dents du prophète a été cassée. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran a appelé le jour de Hud une mosiba. Ce qui est arrivé, une catastrophe, une mosiba, un mal. Il dit dans le Coran, quand il vous arrivait un malheur, alors que vous aviez fait subir à vos adversaires le même, vous avez dit, vous avez posé la question, d'où nous vient ceci? Allah subhanahu wa ta'ala leur a appelé que ça vient de vous-même. Ça vient de vous-même. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, pour le jour de Hud, il l'a appelé une musiba. يوم أحد إخوة الإسلام كان شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل من خيلة أصحابه 70 صحابيا ومنهم عمه وأخوه في الرضاعة وصديقه في طفولته وشبابه حمزة رضي الله عنه فحمزة ورسولنا صلى الله عليه وسلم في سن واحدة شهد الطفولة والشباب معا ولما قتل يوم أحد كان الأمر شديدا على رسولنا صلى الله عليه وسلم فلما أسلم وحشي الذي قتل حمزة ما استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلى وجهه. هذا خيرنا الله عز وجل. Le jour de Hud, c'est une journée qui était sévère et très dure pour le prophète عليه الصلاة والسلام. 70 compagnons, parmi les meilleurs des compagnons de Mohammed عليه الصلاة والسلام, sont morts en martyr. Son frère et son oncle, son frère au niveau de l'allaitement et son oncle en même temps, Hamza, et son ami d'enfance et son ami, ils ont passé une grande partie, leur enfance ensemble, une partie de leur jeunesse ensemble. Il est mort ce jour-là. Et c'était l'oncle qu'il aimait le plus parmi ses oncles, Hamza, Ridwanullah alayh. Et le jour Wahshik a tué Hamza s'est converti à l'islam, Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam n'a pas pu le regarder en face. Ça prouve que cette journée est une journée très dure. C'est une journée très dure. Wa يقول عليه الصلاة والسلام أن ما وقع له يوم الطائف كان أشد عليه فلما لم تستجب له قريش ذهب إلى قبيلة ثقيف لأن القبائل هي القوة الحقيقية ذلك الزمان واعتبر عليه الصلاة والسلام رد ثقيف له أشد مما وقع له يوم أحد أن الله عز وجل مقهد يسأل بخبت عليه الصلاة والسلام إلى dit que ce qui lui est arrivé le jour d'Yom Ta'if est plus dur que ce qui lui est arrivé le jour d'Uhud. Quand Quraysh n'a pas répondu à cette dawa, il est allé voir la tribu de Taqif. Car les tribus, c'est la puissance réelle qui existait à cette époque. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a considéré le fait, le rejet de Taqif, et ce qui lui est arrivé à Taqif, et le rejet de cette tribu, pire qu'est-ce qui lui est arrivé le jour de Hud. وهنا لا بد أن نفهم شدة ما وقع لأنبياء الله وتقل ما لقوه على أنفسهم فالاستهزاء والسخرية أشد من السيوف فنبي يوحى إليه يقال له إنك كذاب والأنبياء لا يكذبون ويسخر منهم ومن أتباعهم ويصفون بأنهم أراذل وليسوا بشيء والقوم يطلبون من أنبيائهم أن يأتوهم بعذاب الله لكي يبرهنوا على صدق أقوالهم. Et ici, frère en Allah Azza wa Jal, il faut qu'on comprenne ce qui est arrivé au messager d'Allah subhanahu wa ta'ala et le poids de ce qu'ils ont subi, alayhi salatu wassalam. Le poids du fait qu'on s'est moqué d'eux, qu'on les a pris comme menteurs, et le fait qu'on s'est moqué d'eux, qu'on les a pris comme menteurs est pire que le fait de les avoir combattus avec les armes. Un prophète à qui la révélation est faite est traité de menteur, de menteur. Et les prophètes ne mentent pas. Et on se moque des prophètes, on se moque des disciples du prophète alayhi salatu wassalam, et on désigne les disciples du prophète, des prophètes alayhi salatu wassalam comme quoi ce sont les villes de la société qui ne sont rien. Et les peuples des prophètes alayhi salatu wassalam demandent à leurs prophètes par défaut de leur ramener, de leur donner le châtiment. De leur faire de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de leur donner, de leur faire subir le châtiment pour qu'ils prouvent la véracité de leur parole. هذا كلام على الأنفس إخوة الإسلام. لو كنا مكانهم ما تحملنا شيئا منه. ونبينا ضربه قومه وسال الدم على وجهه ومسحه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فرسولنا صلى الله عليه وسلم تأنى بقومه وصبر وهكذا على الداعية أن يصبر على هذه الدعوة المباركة دعوة التوحيد فالمسألة ليست سهلة والطريق صعب وليس مفروشا بالورود فلنأخذ الدروس مما جرى لأنبياء الله ومما جرى لخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. Donc ces paroles et les mots préconçus par le prophète عليه الصلاة والسلام sont très durs pour l'être humain. Si nous étions à la place du prophète, on ne pourrait pas supporter les paroles et les moqueries et l'avilissement. Notre prophète, son peuple l'a frappé. Le sang a coulé sur son visage. Il l'a essuyé et il a dit, oh Allah, pardonne à mon peuple, ils ne savent pas. Notre prophète, il a patienté pour son peuple. Et c'est la voie que doit prendre tout da'i Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit patienter, il doit endurer pour cette noble da'wa qui est la da'wa vers le monothéisme. Car la situation n'est pas facile. Et le chemin de la da'wa vers le monothéisme, et selon la voie du prophète, n'est pas un chemin sur lequel on va se retrouver des pétales de rose et des tapis rouges. Le chemin est difficile. Et nous devons prendre les leçons de tout ce qui est arrivé au messager alayhi salatu wassalam et surtout à notre messager à Muhammad alayhi salatu wassalam, le dernier des messagers alayhi salatu wassalam. فيقول الشيخ هنا ولقد سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد فقال لقد لقيت من قومك فقال لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبدي يالي ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمرهم ما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم عليه ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قومك قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا والحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. Donc, chef de nous dire, Aïcha, radiallahu ta'ala, elle a posé la question au prophète, est-ce que tu as vu un jour plus dur que le jour de Hud? Est-ce que tu as vécu un jour plus dur que le jour de Hud? Alors que les jurisconsultes de cette communauté qui est Aïcha, radiallahu ta'ala, Allah, savaient la dureté de Hud. Et il a dit, alayhi salam, j'ai subi de ton peuple beaucoup de choses, mais la chose la plus dure que j'ai subie, et ce qui a été le plus dur pour moi, c'est ce que j'ai subi le jour d'Al-Aqaba. Le jour où je me suis exposé à Ibn Abdi Yalay, Ibn Abdi Kilal. Et il ne m'a pas répondu à ce que j'ai voulu. Il n'a pas répondu à mon appel. Et je suis parti triste. Hein? Plein de tristesse. Et je ne me suis réveillé que vers Qanfa'alib. C'est une place, Qanfa'alib. C'est une place dans la montagne, là-bas de Taif. Et j'ai levé ma tête vers, quand je me suis réveillé, j'ai levé ma tête vers le ciel et j'ai vu un nuage qui me faisait de l'ombre. Et j'ai regardé, c'était Jibril, alayhi salatu wassalam, qui m'a appelé et qui m'a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a entendu la parole de ton peuple. Est-ce qu'ils t'ont répondu? Et comment ils t'ont répondu? Et il t'a envoyé l'ange des montagnes pour que tu lui ordonnes ce que tu veux. Et l'ange du montagne a appelé le prophète alayhi salam et il l'a salué et lui a dit, Ya Muhammad, Allah a entendu ce qu'a dit ton peuple. Et je suis l'ange du montagne. Allah subhanahu wa ta'ala m'a envoyé pour que tu m'ordonnes ce que tu veux. Si tu veux, je vais retourner les deux montagnes sur ton peuple. Les deux grandes montagnes qui entourent la Mecque, je vais les retourner contre ton peuple. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, regardez cette clémence de ce message alayhi sallallahu alayhi wa sallam, malgré ce qu'il a subi, il a dit, j'espère que Allah subhanahu wa ta'ala fera de leur descendance et sortira de leur descendance des gens qui adorent Allah et que ne lui font aucun associé. Ça, c'était l'espoir de Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'était la clémence de Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam, que Allah subhanahu wa ta'ala sort de son peuple. Hein? Sort de son peuple des gens qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala, qui réservent leur culte à Allah subhanahu wa ta'ala. Fandur an tayla samajati haula. Regarde maintenant ce qu'ils lui ont fait subir à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Malgré tout ça, regarde cette clémence. Wa qad dhakarat كتب السيرة بعد أجوبة هؤلاء الساخرة ومواقفهم المزرية وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل إلى نفر من ثقيف هم سادة ثقيف وأشرافهم وهم إخوة ثلاثة عبد يالي ومسعود وحبيب فجلس إليهم فدعاهم إلى الله وكلمهم لما جاءهم له من نصرة الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه فقال أحدهم هو يمرض ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك وقال الآخر ما وجد الله أحدا أرسله غيرك وقال الثالث والله لا أكلمك أبدا لئن كنت رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم خطرا من أردت عليك الكلام ولئن كنت تكذب على الله ما كان ينبغي لي أن أكلمك. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يئس من خير ثقيف. Donc, le cheikh de nous dire que dans les livres de la biographie, certains ont rapporté certaines paroles moqueuses qu'ont eues les gens de Taqif vis-à-vis du prophète alayhi salatu wasalam, et leur mauvaise position qu'ils avaient vis-à-vis du prophète alayhi salatu wasalam. Quand il est allé voir les nobles, hein, certains nobles de Taqif, et ils étaient trois frères, Abdi'alay, et Mas'ud, et Habib, il s'est assis à eux, il les a appelés vers Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a parlé de ce qu'il voulait d'eux, qu'il l'aide à faire triompher l'islam, et qu'il l'aide à accomplir son devoir, et qu'il soit à son côté contre les gens qui sont en divergence avec lui. Le premier lui a dit, on se moque de lui, c'est une expression pour se moquer. Si Allah est envoyé, je vais arracher le tissu d'Al-Kaaba. Et l'autre, il lui a dit, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a trouvé personne envoyé que toi? Le troisième, il lui a dit, par Allah, je ne vais pas te parler, jamais je vais te parler. Si tu es messager d'Allah, comme tu le dis, tu es un grand danger. C'est très dangereux pour moi de te répliquer. Et si tu mens sur Allah subhanahu wa ta'ala, il ne m'appartient pas de te parler. Et le prophète alayhi salatu wasalam, il est parti désespéré du bien de Taqif. Vous voyez un petit peu, qu'est-ce que ça peut faire sur l'âme de quelqu'un, sur l'intérieur, sur le psychique de quelqu'un, quand on le renvoie ainsi, quand on le prend comme menteur. Parce que la situation de ces nobles de Taqif, c'est qu'ils ont pris le prophète alayhi salatu wasalam comme menteur, ils se sont moqués de lui, de la plurte. Hein? Et c'est très dur pour quelqu'un qu'on se moque de lui de cette façon. Et ça, c'est plus dur quand on prend l'épée contre quelqu'un ou quand on donne un poing à quelqu'un. فانظروا اخوة الاسلام الى سماجتي هؤلاء. الاول لما سمع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قال هو يمرث ثياب الكعبة. فالراوي كره هذه المقولة وذكرها بالضمير فهذا استهزاء وسخرية وحماقة ما بعدها حماقة. Il y a un petit peu la saleté de l'esprit de ces gens. Quand il a entendu la dawa du prophète Hassan, un a dit, lui, il va arracher le tissu de la Kaaba. Et le transmetteur du hadith, il a détesté cette expression et il l'a rapporté avec le pronom de la troisième personne. Et ça, c'est une moquerie, cette expression, c'est une moquerie. Et c'est aussi, ça te prouve la faiblesse de la raison de ces gens. Et comme quoi ils n'étaient pas doués de raison pour répondre au prophète d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ainsi. يوم العقبة أيها الإخوة هو اليوم الذي خرج النبي صلى الله عليه وسلم الطائف وعرض نفسه على أشرافهم وكذبوه. عاد من الطائف رسول الله صلى الله عليه وسلم كئيبا حزينا مهموما متأثرا من أن يكذبه أن يكذب بهذه الصورة. وهنا في هذا المقطع يبين لنا الشيخ أن التكذيب من أشد أنواع الاستهزاء والسخرية. Le jour de l'Aqaba, frère Allah عز وجل, c'est ce jour où le prophète est sorti vers Taif, et qu'il s'est exposé aux nobles de Taif, et qu'ils l'ont pris comme menteur de cette façon-là. Et il est revenu très triste, et plein de tristesse. Et il ne s'imaginait pas qu'on allait le prendre comme menteur ainsi, et qu'on allait se moquer de lui ainsi. Et ici, dans ce passage, Cheikh Rabi nous montre que le fait de prendre comme menteur quelqu'un, et de se moquer, c'est la façon la plus dure de se moquer de quelqu'un et d'améliorer quelqu'un, c'est de le prendre comme menteur et de le traiter de menteur. فانظر نفسك أخي إذا قال لك أحد كذبت فإن هذا يشق عليك لأن الأذى النفسي والمعنوي أشد من الأذى العضوي فأشد من أن يضربك رجل أن يقول لك أنت تكذب أو أنت كذاب. لو ضربتك حسبته متوحشا معتدا، لكن عندما يتهمك بالكذب هذا يؤذيك أكثر من الضرب والسجن. وقال فرنا الله عز وجل بتوارن ديجا كنت كلكان تيدي كتيا منتر ولا كتيمو ça c'est plus dur pour toi, pour ton nefs, c'est plus dur pour ton psychique, car le fait de faire du mal psychologiquement est plus dur que le fait de casser une dent à quelqu'un ou de frapper quelqu'un. C'est plus dur. Car quand quelqu'un te frappe ou la tocation, tu vas le considérer comme barbare, pourquoi il est injuste, et que, etc. Mais s'il t'accuse d'être menteur, cela va te faire encore plus de mal, va te faire plus de mal que s'il te frappe ou s'il te jette en prison. فكيف إذا كان المتهمون أنبياء الله ورسله كيف تكون نفسيتهم وهم لا يكذبون على الناس ويتهمون بالكذب على رب الناس ومن أوضح علامات الأنبياء والرسل أنهم لا يكذبون على الناس ما جرب على أحدهم أنه كذب على أحد من الناس ولكن ينشؤون وأقوامهم يعرفون عنهم الصدق منذ صغرهم فنبهنا الشيخ هنا على أن الأذى المعنوي أشد من الأذى العضوي المادي Allah Azza wa Jal. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est quand c'est les prophètes d'Allah Azza wa Jal et les messagers d'Allah qu'on traite de menteurs, alors que les prophètes ne mentent pas. Et les gens les prennent comme menteurs et les accusent de mentir sur Allah. Sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et fait partie des signes clairs des prophètes et des messagers d'Allah Azza wa Jal, c'est qu'ils ne mentent jamais. Jamais on a rapporté d'un prophète qu'il a menti. Ils sont connus dans leur milieu et chez leur peuple depuis qu'ils sont petits. Hein? Comme quoi ils sont véridiques, ils sont dignes de confiance. Ici dans ce passage, frère Allah Azza wa Jal, Cheikh Rabih attire notre attention sur le fait que le mal sur le psychique de la personne est beaucoup plus important que le mal, que tu lui fasses du mal sur un de ses membres, que tu le frappes ou là que tu lui casses une dent ou autre. فَمَعَذَلِكَ إِخْوَةَ الْإِسْلَامِ تَأَمَّلُوا رَحْمَةَ نَبِيِّنَا قُرَيْشَ كَدَّبَتْ وَذَهَبَ إِلَى تَقِيفَ فَكَدَّبُوا فَهَذَا أَمْرٌ سَهْلٌ يُمْكِنُ إِنْهَاءُهُ بِسُهُولَةٍ فقط بإشارة منك يا محمد قال ملك الجبال أشر عليه وأنا أطبق عليه الجبلين وماذا كان جواب نبينا عليه الصلاة والسلام مهما فعل به قال بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لم يدعو على قومه ولذلك نال المقام المحمود ولم يناله نوح عليه الصلاة والسلام فنوح لما يأتي الناس يوم القيامة يطلبون منه أن يشفع لهم عند الله فيعتذر كما يعتذر سائر الأنبياء ويقول لهم نوح إني دعوت على قومي يعني أن دعوته على قومه تمنعه عن المقام المحمود فنوح دعا على قومه رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا أما محمد فجاءه ملك الجبال فدعا لقومه عليه الصلاة والسلام ici aussi médite avec moi frère Allah Azza wa Jal cette position de notre prophète alayhi salatu wasalam. Quraysh l'a pris comme menteur, s'est moqué de lui de la pire des façons. Il est parti à Taqif, ils ont fait pire. Et ceci, c'est une situation qui peut se terminer facilement. Par un clic des doigts du prophète alayhi salatu wasalam et par un signe du prophète alayhi salatu wasalam, l'affaire est réglée. L'ange des montagnes est arrivé vers le prophète alayhi salatu wasalam et a dit ordonne-moi. Dis que tu m'ordonnes, je retourne les deux montagnes contre ton peuple. Et ça a été quoi la réponse du prophète alayhi salatu wasalam ? Il a dit, j'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala sortira peu des gens qui n'adorent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui réservent leur culte si bon Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'il a eu le maqam al-mahmoud qu'on demande d'après chaque adhan. Wab'athu Allahumma al-maqam al-mahmoud, la position noble et la position louable, il louée. C'est-à-dire la position où il va. Allah Moustan, j'arrive plus à trouver le mot intercéder pour le jour de la résurrection. Et cette place, même Nuh alayhi salatu wasalam, il l'a pas eu. Les gens vont arriver vers lui le jour de la résurrection. Ils vont lui demander qu'il intercède pour eux, pour qu'on commence les comptes. Il va s'excuser, comme s'excuseront tous les prophètes alayhi salatu wasalam. Et Nuh va leur dire, j'ai fait un dua contre mon peuple. Cela veut dire que le fait d'avoir fait le dua contre mon peuple, je n'ai pas cette place louable. Et il les envoie vers Mohammed alayhi salatu wasalam. Nuh a fait le dua contre son peuple. Il a dit, oh Allah, ne laisse pas sur terre parmi les mécréants personne. Détruis-les tous. Quant à Mohammed alayhi salatu wasalam, l'ange des montagnes est arrivé vers lui. Au lieu de faire dua contre son peuple, il a fait dua pour son peuple. هنا أمر مهم. تصوروا الآن دعاة الفتنة والحزبية والحركة كيف يدعون على أقوام من المسلمين من الحكام المسلمين وعلماء المسلمين، اللهم شتت شملهم، اللهم شردهم. وهذا طبعا ليس بمنهج الأنبياء وليس من هدي سلفنا الصالح. Maintenant, je veux que vous imaginiez une situation avec moi maintenant, les du'as d'il fitna, et d'il l'activisme, d'il haraka, et les tkfilonsens. Regardez comment ils font du'a contre certaines couches de la population, contre les gouvernants et contre les savants. Allah subhanahu wa ta'ala disperse les, Allah subhanahu wa ta'ala anéanti les ainsi parmi les du'as qu'ils font contre eux. Et ça, naturellement, ça ne fait pas partie de la voie du prophète alayhi wa sallam. Et ça ne fait pas partie de la voie de le plus heureux d'Allah alayhi. Il y a quoi l'imam al-Barbarari, rahimahullah, « Ida ra'ayta al-rajul yad'u al-sultan fahu min ahli sunna. Wa ida ra'ayta hu yad'u al-sultan fahu min ahli bid'ah. » Alors, l'imam al-Barbarari, rahimahullah alayhi, il dit, si tu vois un homme faire du dua pour sultan, pour le gouverneur, sache qu'il fait partie des gens de la sunna. Et si tu vois l'homme faire de la contre sultan, sache que c'est un homme de l'innovation. فتأملوا فقه هذا الإمام جعل الدعاء للحكام علامة على أهل السنة والدعاء عليهم علامة على أهل البدع وقس بهذه العلامة من حولك ممن يركبون المنابر ويتكلمون عبر المواقع كيف يرمون الحكام بالتهم ويسبونهم ويدعون عليهم. فهم الله عز وجل ميديت maintenant cette compréhension avec laquelle الله سبحانه وتعالى il a comblé l'imam al-Barbahari رحمه الله. Cet imam a fait que, quand un homme fait du'a pour le hakim, cela c'est un signe comme quoi l'homme il est sur la sunna et c'est un homme de la sunna. Et il a dit aussi que quand quelqu'un fait du'a contre le gouverneur, ça c'est un signe comme quoi le bonhomme il fait partie des gens de l'innovation. Et fait l'analogie avec cette parole de l'Barbahari rahimahullah ta'ala sur tout ce qui t'entoure maintenant. Que ce soit ceux qui parlent sur les sites d'internet, les salons, de paddock, etc. Comment ils traitent les hukam? Quelles accusations ils font à les hukam? Comment ils les insultent? Comment certains font du dua contre eux et ainsi de suite? Barakallahu fikum, ta'ammalu al-farq bayna manhaj al-anbiya' wa ulai al-harakiyin. Fal-farq kabir. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous comble de cette sainte misère encore. Il faut qu'on fasse la différence entre la voix du prophète et la voix de ces activistes. La voix, la différence est énorme. منهج الأنبياء منهج من يحب للناس الخير ويريد لهم الهداية ويريد لهم النجاة. وأهل السنة المتبعين لسلفهم الصالح أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق يشفقون على الناس يتمنون لهم النجاة يحبون للعاصي أن يعود إلى رشده لا يدعون عليه وإنما يدعون له بالهداية. La voix du prophète عليه الصلاة والسلام خيرنا الله عز وجل et la voix des gens qui veulent le bien, qui veulent les gens le bien, qui leur veulent la guider, qui veulent qu'ils soient sauvés. Les gens de la sunna et ceux qui suivent leur plaisir d'Allah alayhim sont les gens qui connaissent mieux la vérité et qui ont de la clémence pour les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils espèrent que les gens soient sauvés du châtiment. Et ils veulent que les gens soient sauvés de leur désobéissance, qu'ils reviennent vers Allah, qu'ils reviennent à leur raison. Et ils ne font pas des du'a contre eux, mais ils leur font des du'a pour qu'ils soient guidés, pour qu'ils reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala. أهل السنة إخوة الإسلام يقتفون أثر الأنبياء وأثر السلف الصالح وإياك ثم إياك أن تصدقهم فيما يحكون من حكايات لا أساس لها. ألم يفعل فلان كذا وكذا مع الخليفة الفلان؟ ألم يفعل فلان مع المأمون كذا وكذا؟ قل لهم ثبتوا العرش وانقشوا ولو صح فهذه حالات شادة لا يبنى عليها أحكام. أما بينك وبين الحاكم فانصح ما شئت أهل الإسلام. Les gens de la sunna et ceux qui suivent la voie du prophète alayhi wa sallam et qui suivent la voie de leur plaisir d'Allah alayhim sont des gens qui sont sur une voie de la vérité, qui ont de la clémence dans leur cœur. Et fais très attention frère en Allah, ne prends pas comme véridique ce que certains racontent sur certains salons, des histoires qui n'ont pas de fondement. Est-ce que tel n'a pas fait avec tel khalifa telle situation? Est-ce que tel n'a pas dit telle chose à tel khalifa? Est-ce que tel n'a pas eu cette opposition et cette position avec le Ma'moun, l'un des khalifs des Abbasides. Et ainsi de suite. Dis-leur, d'abord, hein, construisez le trône, et après, embellissez-le. Et même si ces histoires étaient véridiques, ce sont des cas marginaux. Et les cas marginaux ne font pas office de loi à l'islam. Mais entre toi et le gouverneur, conseille comme tu veux à l'islam. La porte est ouverte. Mais entre toi et le gouverneur, non pas sur les sites, non pas hein, à travers les manbars ou à travers comme un lâche. Va le voir. ودخول بعض أهل العلم على الحكام إخوة الإسلام ونصحهم لهم بينهم هذا أمر مشروع وليس بممنوع قيل لأسامة بن زيد رضي الله عنه وارضاه ألا تنصح لعثمان قال ما أنصح له إلا أمامكم ألا أنصح له بيني وبينه وكما يقال النصيحة على الملأ فضيحة le fait que certains membres de science rentrent chez le gouverneur et les conseils entre eux à tête à tête. Ça, c'est quelque chose de légiféré. Et c'est rien, ça n'a rien d'interdit. Et c'est, hein, ça fait partie de la sunna. On a dit à Oussama ibn Zayd, radiallahu anhu wa arda, est-ce que tu ne conseilles pas à Uthman ibn Affan, radiallahu anhu wa arda? Il dit, est-ce que vous croyez que je vais faire le conseil devant vous? Je le conseille entre moi et lui. Et comme on dit, le fait de conseiller quelqu'un devant tout le monde, si tu le fais, tu le divulgues. Ce n'est plus un conseil. وحالنا إخوة الإسلام يرتالة وبعض هؤلاء المكفرين للحكام لما مكنه الله من دكان 3 أمتار على 4 12 متر مربع يبيع فيه الدجاج أتى بفتاة تبيع فيه أول ما مكنه الله في 12 متر مربع حكم فيها بغير ما أنزل الله وانظروا كيف فرط وهو يكفر الحكام والآخر في المخبزة والآخر في كذا وكذا. Et notre situation est à plaindre, frère Allah Azza wa Jalla. Regardez certains de ceux qui rendent mécréants les gouverneurs des pays de l'islam. Quand Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné le pouvoir sur 12 mètres carrés, une boutique qui fait 3 mètres sur 4, où ils vendent des poulets, la première chose qu'il a fait, il a ramené une fille pour la vente. Parce que ça attire plus les clients. La première chose, quand il a eu le pouvoir sur 12 mètres carrés, il a jugé dans ces 12 mètres carrés avec... Ce que l'Allah subhanahu wa ta'ala n'autorise pas. Regardez, il est négligent d'un côté alors qu'il rend mécréant les gouverneurs des pays de l'islam. Et l'autre, dans sa boulangerie, et l'autre, et l'autre. Fait quoi dans l'islam ? Un nasih alladhi yurid al-khayr, yansah nasihat al-mushfiq, la nasihat al-fadih, fal-anbiya ou kanu mushfiqin ala aqwamihim. Ou al-maqam al-a'la al-da'i huwa al-layl huwa ala qawmihim. ونبينا لما قنت أنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء فكف كان يقنت على أقوام عندما قتلوا بعض القراء فكان يدعو اللهم عليك بدكوى اللهم عليك اللهم عليك والآية الواحدة قد تنزل لأكثر من سبب إخوة الإسلام فقال الله عز وجل celui qui conseille celui qui veut donner, qui veut le bien avec son conseil il doit faire son conseil en ayant pitié pour l'autre personne. Il doit le faire entre lui et la personne. Il ne doit pas le divulguer devant tout le monde, parce qu'après ce n'est plus un conseil. Et les prophètes avaient de la pitié pour leur peuple, et ils voulaient le bien pour le peuple. Et la situation la plus noble, la plus haute pour un da'i, c'est qu'il ne fasse pas de has contre son peuple. Et notre prophète, quand il a, pendant un mois, a fait dua contre certains tribus qui ont tué beaucoup parmi les savants des compagnons de Mohammed, et il a fait dua contre certains tribus, où Allah a fait à la tribu de Quran, où Allah a fait, etc. Il y a un verset qui est arrivé, il a dit, rien ne t'appartient pas. Et il a cessé de faire dua contre eux. La situation ne t'appartient pas, le verset. Et ce verset, on le rapporte aussi comme quoi il est descendu pour une autre cause. Mais sachez que les hommes de science disent qu'un verset peut descendre pour plusieurs causes. وهؤلاء الذين يبتلون الناس من فوق المنابر وعبر مواقع الانترنت ويهيجونهم على حكامهم يعترضون على من ينتقدهم في هذا بشبهات ويقولون ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحمرت عيناه وانتفخ توداجه وعلى صوته وهذا حق ولكن أريد به باطل demande Allah Azza wa Jal, ceux qui rendent mécréants les gouverneurs des pays de l'islam et aussi les savants de cette communauté, que ce soit sur le manbar ou que ce soit sur leurs savants à travers les paltoks, etc., et qui excitent la jeunesse contre ces gouverneurs qui leur donnent des ambiguïtés, par contre, ils sont critiqués et ramènent des ambiguïtés à celui qui les critique. Lorsque le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait ses khutbahs, s'il n'élevait pas la voix, et ses yeux ne devenaient-ils pas rouges? Et ça, c'est une vérité, mais avec laquelle on cherche du faux. N'a rien contre l'islam. Ala sautu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Kana sautuhu. Ya'la. Wa tahmaru aïna, wa tantafiqu anwada, awdaju, wa lakin limada. C'est vrai, frère Allah Azza wa Jal. Pendant la khutbah de Jumu'ah, fait partie de la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il élève la voix, et que ses yeux deviennent rouges, et ses veines jugulaires se gonflent. Mais pourquoi? Pourquoi? وهؤلاء يتحمروا عيونهم وتعلو أصواتهم لماذا؟ السلام سيد كثيري سيد اكسيتي كي اكسيت لا جونيس لوغ لوغ فوا سيليف بوركوا اي لوغ زيو دوفيان روج بوركوا اي لوغ جين جوغيلير سو غونفل بوركوا فليس تم مقارنة فشتان بين فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء فلا تختلط عليك الأوراق فلا تختلط عليك الأمور في الوسائل يا أخي الإسلام. Alors Allah Azza wa Jal, il y a une grande différence entre l'acte du prophète et l'acte et les actes de ceux de cette kfiri, de ces excités. Et que la situation ne se mélange pas pour toi au niveau des moyens. Et que les cartes ne se mélangent pas dans ton esprit. Naam, akhi l'islam. Kana fi khutbati kanahu mundiru jayshin salawatu rabbi alayhi wa salamu alayhi. Lakin mundiru mada. Certes, frère Allah Azza wa Jalla, le prophète dans sa khutbah était comme un avertisseur de l'armée. Mais il les avertissait contre quoi? Il avertissait son peuple dans sa khutbah contre quoi? Yundirhum adab al-nar, kana yarfa'u sawtahu min ajli hadha, wa kana tahmaru 'aynah, wa wajadu ghadaban lillah subhanahu wa ta'ala. Ma kana yutil wa yuhij an-nas 'ala al-wada'. بخلاف هؤلاء المخالفين لمنهج الأنبياء الذين لا يأتون بدعوة التوحيد وإنما يهيجون الناس أعداء الإسلام يخططون اللوبي الصهيوني يفعل أين هؤلاء من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء في واد ونبينا ودعوته في واد آخر فلا ينبغي أن يختلط علينا الأمور ولا ينبغي أن يختلط علينا منهج الأنبياء بمنهج غيرهم. Donc Allah Azza wa Jal, le prophète alayhi salatu wasalam avertissait son peuple contre quoi? Il les avertissait contre le châtiment. Il les avertissait contre l'associationnisme. Il élevait sa voix pour ceci. Ses yeux devenaient rouges. Et il se mettait en colère pour Allah. Il n'excitait pas les gens. Il ne chauffait pas les gens. Il ne chauffait pas les gens pour les exciter contre leur gouverneur. Il les chauffait contre leur gouverneur. C'est le contraire. Il fait tout à fait le contraire de ceux qui excitent et qui remplissent de haine les gens contre leur gouverneur. Ces gens qui sont en divergence avec la voix du prophète alayhi salam. Ceux qui n'appellent pas les gens vers le monothéisme, ils ne donnent pas l'importance à l'animisme. Ils ne savent qu'exciter les gens. Et tu les entends parler, les ennemis de l'islam, manigances, ils font des stratégies contre l'islam, etc. Et, bien sûr, les ennemis de l'islam manigancent contre l'islam. Le lobby sioniste fait, bien sûr, ils font. Mais est-ce que ça, c'est la voie du prophète, alayhi salatu wasalam? Est-ce que comme ça, quand la source l'azoum accomplit cette voie? Ceux-là sont dans un fleuve, et la voie de notre prophète, alayhi salatu wasalam, il est dans notre fleuve. Donc il ne faut pas que la situation se mélange pour nous, le prophète, alayhi salam. Il ne faut pas que la da'wa du prophète alayhi salatu wasalam, on ait des ambiguïtés sur la da'wa du prophète alayhi salatu wasalam, et qu'on se fasse avoir par ce genre d'ambiguïté de ces gens-là. Intabi akha l'islam, wa la tajtabi alayka al-umur, ta'ti ila hadith kana idha khataba marrat 'ayna wa 'ala sawti wa taqum wa taj'aluhu dalilan 'ala ma yaf'aluhu ha'ula'i al-tawliyun al-harakiyun. Fama kanat hadhihi da'wat al-anbiya. Fa Allah azza wa jalla fait très attention que les ambiguïtés ne vient pas s'immiscer dans ton esprit. Tu prends le hadith de la Rasoul, dans lequel il est dit que quand il faisait sa khutbah, ses yeux deviennent rouges et il élève la voix, et que tu le mettes comme preuve pour ce que font ces révolutionnaires et ces activistes musulmans. Ça n'a pas été la droit du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب وإن فعل في خطبته فكان يذكر بالله عز وجل يذكرهم عقاب الله وأوامر الله ونواهيه وهذا هو التوحيد وما كان يعين الناس على أقوامهم وأنه لا بد أن نسوي مظاهرة بعد الخطبة ولا بد أن نسوي إضرابا عن الطعام أو إضرابا عن العمل نعم الأنبياء يغضبون وترتفع أصواتهم لكن لله عز وجل إني لكم نذير مبين إني لكم نذير مبين ينذرهم عذاب الله ينذرهم ربهم عز وجل من الله عز وجل سيرت كنت نبقى على سيد السلام réagissait dans sa khutba mais ça pourquoi il le faisait et dans sa khutba il rappelait à Allah azza wa jal il rappelait aux gens le châtiment d'Allah il rappelait aux gens les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses interdits et ça c'est le monothéisme. Il n'excitait pas les gens contre leur gouverneur, il ne chauffait pas les gens contre leur gouverneur. Et il n'appelait pas les gens. Non, il faut qu'on nous fasse une manifestation contre ce gouverneur. Après la khutba, il faut qu'on sorte. Là, il faut qu'on fasse une grève de la faim. Il faut qu'on fasse des grèves sur le travail, et ainsi de suite. Certes, frère en Allah, Azzawajal, les prophètes, alayhi sallatu wassalam, se mettent en colère. Leur voix s'élève, mais pour Allah, Azzawajal. Je suis un avertisseur clair, disent les prophètes, pour vous. Il les avertit contre moi. Il les avertit contre le châtiment de l'Azawajal, contre le fait de transgresser les lois de l'Azawajal. والشاهد ويقول الشيخ عبد الله تعالى والشاهد من الحديث والقصة أن ما يلقاه الأنبياء من السخرية والاستهزاء ومن أذى المشركين السفهاء أشد على أنفسهم من كل بلاء حتى من المعارك الطاحنة التي تزهق فيها الأرواح وتراق فيها دماء أصحابهم الزكية. إي الشيخ ربيع بن ندير que le témoignage dans le hadith qu'il a cité, le témoignage de la tribu du hadith de la tribu du Tafir, de Thaqif, ce que subissent les prophètes parmi la moquerie et parmi le mal que lui font subir, subir les associés parmi les associateurs est plus important sur leur psychique que les épreuves dans la bataille, dans laquelle les gens meurent, etc., et dans laquelle le sang coule, le sang de leurs nobles compagnons coule. C'est-à-dire que le fait de s'en moquer d'eux, le fait de les démentir, de les prendre comme mensonges, est beaucoup plus grave pour eux que la bataille. يقول الشيخ حفظه الله تعالى فلقد قتل يوم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 70 شهيدا فيهم مصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجش رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته. والحديث عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغيره. Et الشيخ حفظه الله تعالى de nous dire, le jour de Uhud, beaucoup de compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام sont morts. 70 martyrs fait partie de Mus'ab ibn Umair. Omar Adrak comme Mus'ab ibn Umair. Hamza ibn Abdul Muttalib, l'oncle du prophète عليه الصلاة والسلام. Et la tête du prophète عليه الصلاة والسلام a été ouverte, ainsi que l'une de ses dents a été cassée. Il hadith il est rapporté par Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Wa laqiya ma laqiyahu wa ashabu min adal munafiqin wa laqiya ma laqiya qabla dhalika wa huwa bi Makkah wa fi yawm Badr wa ghayriha min al mashahid wa ma'a dhalika yara an ashadd ma laqiyahu huwa yawm Ta'if li'annahu laqiya min al sukhriya wa al ihtiqar ma la tahtamilu al nufus al aliyya. Et il a subi, notre prophète alayhi salam, comme dit Cheikh ici, a subi ainsi que ses nobles compagnons parmi le mal et le dénigrement des hypocrites, ce qu'il a subi à Mecca et le jour de Badr. Et dans d'autres batailles, ils ont subi. Et malgré tout ça, on trouve que ce qu'il a subi le jour d'Yalta'if est beaucoup plus grave et plus dur. La moquerie. idée, c'est ce qu'il a subi à Taïf est beaucoup plus important sur son psyché qu'il trouve le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam que tout ce qu'il a subi auparavant. ومن هنا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء من أمثل فالأمثل. Et partant de là, رسول صلى الله عليه وسلم dit dans ce hadith rapporté par l'imam Tirmidhi رحمه الله تعالى que les gens qui sont le plus éprouvés ce sont les prophètes عليهم الصلاة والسلام et les meilleurs c'est-à-dire que les croyants ceux qui ont la foi une grande foi et ainsi de suite. Mais plus les gens sont éprouvés plus ça ils ont de la foi etc. فمع ما لقي نبينا صلى الله عليه وسلم من المشركين عندما أتاه ملك الجبال وقال له إن أردت أن أطبق عليهم الجبلين قال لا ولكن أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله وهؤلاء المشركون فانظروا الآن حال هؤلاء الحركيين الحزبيين والتكفيريين لو جاءهم ملك الجبال وقال لهم أطبقوا الجبال على دماجة والمدينة والجزائر ماذا سيقولون؟ أطبق فورا اهلك هؤلاء التلفيون ونبينا صلى الله عليه وسلم قومه مشركون آذوا وأخرجوا ومع ذلك دعا لهم وأنت تسمع من أهل المناظر ومن مواقع الانترنت هؤلاء الحركيين اللهم شرد الحكام وافعل بهم وعندما لا يستجاب لهم ماذا يفعلون يقومون بأنفسهم بالقتل كما فعلوا في الجزائر وغيرها وهذا طبعا ليس بطريق الأنبياء رحم الله عز وجل من غير tout ce qu'a subi notre prophète عليه الصلاة والسلام parmi les associateurs l'ange des montagnes est venu vers lui il lui a dit tu veux je tourne les deux montagnes contre ton peuple. Rasoul Salah lui a répliqué, mais je veux que Allah subhanahu wa ta'ala sorte d'eux de leur descendance des gens qui lui réservent le culte exclusivement. Et cela, c'est des associateurs. Maintenant, regarde, frère Allah, ces activistes, et ces chizbis, et ces tkfiris, ces l'ange des montagnes est venu vers eux. Il lui a dit, je vais renverser les montagnes contre Damaj, contre Médine, contre Alger, etc. Ils vont dire, fais-le, fais-le, anéantis ces talafis. Ainsi ils vont réagir. Alors que notre prophète, alayhi salatu wassalam, son peuple, c'est des associateurs. Ils lui ont fait du mal, ils se sont moqués de lui. Et malgré tout ça, il a fait un dua pour eux. Et toi, tu l'entends, ces tekfiris, ces harakistes, sur leur manbar, et de leur site d'internet, et de leur salon de paddock, hein, tu les entends. Le mal qu'ils disent sur les gouverneurs, et les duas qu'ils font contre eux. Et quand leurs duas ne sont pas exaucés, ben ils le font eux-mêmes. Ils se lèvent eux-mêmes pour tuer et pour assassiner, comme ils ont fait en Algérie et autres. Et ça, naturellement, ça ne fait pas partie de la voie du prophète alayhi salatu wassalam. فالأنبياء عرفوا الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. فالأنبياء يريدون النجاة للناس يقول عليه الصلاة والسلام وأنا آخذ بحججكم عن النار وأنتم تتفلتون من بين يدي. فالرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن ينجي الناس من النار ولكنهم يتفلتون من بين يديه ويدخلون النار. Les prophètes عليهم الصلاة والسلام ce sont les gens qui connaissent au mieux Allah subhanahu wa ta'ala, qui connaissent au mieux la vérité et qui ont de la clémence pour les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les prophètes d'Allah veulent que les gens soient sauvés. Les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala veulent sauver les gens. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith authentique, moi, je vous prends de part votre ceinture et je vous tire. Et vous éclipsez, vous tirez, vous vous jetez dans le feu. Al-Anbiya du'atul najat. Rasoulullah qala ya bani abdi kada. قوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف انقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة بنت محمد انقذي نفسك من النار فالأنبياء مبشرون ومنذرون. Donc les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont des gens qui appellent vers le fait d'être sauvés. Notre prophète alayhi salatu wassalam a dit, a appelé toutes les tribus de Quraysh. Ô Banu Abd Kada, ô évitez à vous-même le feu de l'enfer. Ô Banu Abd Manaf, évitez à vous-même le feu de l'enfer. Ô Fatima, fille de Muhammad, sauve-toi du feu de l'enfer. Les prophètes, alayhi salatu wassalam, ce sont des annonciateurs et des avertisseurs. فهؤلاء المخالفون للمنهج النبوي في دعوتهم يزعمون أن الدعوة إلى التوحيد تغضب الناس والناس ينفضون من حولهم ويغلقون الأبواب في وجوههم مع أن الأنبياء لا قوم من أجل هذا وعانوا من أجل هذا من أجل عبدوا الله ما لكم من إله غيره. Et ceux qui sont en divergence avec la voie du prophète عليه الصلاة والسلام prétendent que la da'wa vers le monothéisme, mais les gens en colère, et que les gens vont se sauver d'eux, et il n'y aura personne autour d'eux. Et que les gens vont faire des n'importe devant eux. Alors que les prophètes ont subi pour l'appel vers le monothéisme, pour cette phrase, adorez Allah, vous n'avez d'autre digne d'être adoré que lui. اقتل البقرة بالحشيش ليقبل دعوتك وإذا رأيته يطوف بقفر طوف معه هو العر et ceux-là ils disent hein, si tu trouves quelqu'un un homme prosterné pour une vache ramène de l'herbe à la vache pour qu'il accepte ta dawa et si tu le vois en train de tourner autour d'une tombe tourne avec lui pour qu'il accepte ta dawa فالأنبياء بدعوا دعوتهم بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك وهؤلاء يقولون نحن نكلمهم عن الصدق عن الفضائل عن الأخلاق عن الزهد عن الورع عن التقوى ثم بعد ذلك نعلمهم التوحيد متى؟ بعد 30 عاما أو أكثر أو أقل فالإنسان لو بقي معهم مع هؤلاء 100 سنة ما يتعلم التوحيد فكما دخل يبقى فقط يتعلم مبادئ وأصول الجماعة وسياستها ومنهجها وأكثر الإخوة مروا مع جماعات فماذا تعلموا من هذه الجماعات؟ Les prophètes ont commencé leur da'wa vers le fait d'appeler vers le monothéisme et d'interdire l'associationnisme et d'avertir contre l'associationnisme. Et ceux-là, ils disent, nous, on parle aux gens de la véracité, des vertus des actes, du bon comportement, des lois, de taqwa, on leur parle de tout ça, et après, on va leur apprendre le monothéisme. Quand ? Après 30 ans peut-être, après 40 ans, après 20 ans, plus ou moins. Mais l'être humain peut rester avec ses groupes 100 ans, un siècle. Il ne va pas apprendre le monothéisme. Comme il est rentré, il va rester. Il va apprendre les principes fondamentaux du groupe, les fondements du groupe, les piliers de la voie du groupe, la politique du groupe et la voie du groupe. Ça, il va l'apprendre, il va le maîtriser sans problème. Et combien parmi nos frères étaient avec ces groupes? Qu'est-ce qu'ils ont appris d'eux? Regardez, tout un chacun. Hein, tous les frères, demandez-leur et vous allez. فَهَلِ الدِّينُ مِلْكُ لَنَا إِخْوَةَ الْإِسْلَامُ وَهَلِ الدَّعْوَةُ مِلْكُ لَنَا فَإِنَّا نَدْعُوا عَلَى مِنْهَجِ الْأَنْبِيَاءُ وَنَقُلْ لَا نُرِيدُ هَذَا الَّذِي دَعَتْ إِلَيْهِ الْأَنْبِيَاءُ وَنُحَاوِلْ أَنْ نُغَيْرَ الدِّينَ لِكَيْ يَتَمَشَّى مَعَ أَهْوَاءِ النَّاسِ سبحان الله عز وجل est-ce que maintenant la religion c'est notre royaume est-ce que la religion nous appartient est-ce que la da'wa nous appartient Soit on fait la da'wa selon la voie du prophète, soit on dit on ne veut pas cette voie sur laquelle était le prophète. Et on essaie de changer la religion de Allah pour qu'il puisse convenir aux passions des gens. Et il y a des gens qui ont été en train de se faire. Et beaucoup parmi ceux qui nous entourent, comme on dit les hommes de science, et surtout ceux qui sont sur le champ de la da'wa, et qui soi-disant appellent vers Allah subhanahu wa ta'ala, ne connaissent pas la réalité de l'islam. Et ceux-là, ils ont plus besoin qu'on les appelle, qu'eux ils appellent vers l'islam. Ils ont plus besoin qu'on leur transmette, qu'eux ils transmettent. Ils ont plus besoin qu'on leur enseigne, qu'eux ils enseignent. Ils ont plus besoin qu'on accomplisse les sentences de l'Allah sur eux, qu'eux ils appellent au fait d'accomplir les sentences de l'Allah. Enfin, beaucoup parmi eux n'accomplissent pas la sentence de l'Allah dans le sujet le plus important, et le pilier de cette religion qui est le monothéisme. فالذي لا يحكم بما أنزل الله في التوحيد أتتصورون أن يحكم بما أنزل الله فيما دون ذلك celui qui n'accomplit pas les lois de Allah subhanahu wa ta'ala dans le monothéisme vous imaginez qu'il va accomplir le monothéisme dans autre chose فهؤلاء الذين تسمعون في المواقع ندعو الناس إلى تحكيم شريعة الله أول من يحتاج إلى أن يحكم الشرع فيه ceux-là que vous entendez sur les sites et sur les salons on appelle les gens vers le fait d'accomplir la législation de l'Allah. Ce sont eux en priorité qui ont besoin qu'on accomplisse la législation de l'Allah. Beaucoup parmi eux se rasent, beaucoup parmi eux lâchent leurs pantalons, beaucoup parmi eux transgressent les lois de l'Allah. Pour fondre dans la masse. Pour qu'au moment où on veut faire quelque chose, on ne soit pas soupçonné. ولو حكم شرع الله ورفعت السيوف لكان هؤلاء أول من ترفع السيوف عليهم لكن لكي يحكم الشرع فيهم لأنهم أول من يحارب التوحيد وأول من ينصر الشرك وأول من يحارب السنة وينصر البدعة وهذا هو الأذى الذي يلاقيه دعاة الدعوة السلفية المباركة في هذه الأزمان نكسل الوضع الله سبحانه وتعالى وهيته أكمل يكون لزعب أتلوذين Mais les premiers vers lesquels on va accomplir la loi de Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont ces gens-là qui n'accomplissent pas le monothéisme dans leur vie, qui n'appellent pas vers le monothéisme. Et ce sont ces gens qui font triompher l'associationnisme et qui combattent la sunna et qui font triompher l'innovation. Et ça, c'est le plus grand des mâles que subissent maintenant les du'at et les prêcheurs de la da'wah salafiyya bin idmin Allah azza wa jala à notre époque. Fait mal d'un bout de du'at salafiyya. لماذا يطردون من المساجد كما فعل بإخواننا من مسجد في بروكسل ولا يسمح لهم بالتدريس ويهاجمون فقط لأنهم يدعون إلى التوحيد وإلى السنة وينهون عن الشرك وعن البدع ولأنهم يدعون إلى المنهج السلفي وينهون عن المنهج الخلفي ونسيكم من تنون لغاء إلى البشي لدعاء الدولة السلفية pourquoi on les sache de toutes les mosquées à travers la planète on va voir ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps à Bruxelles Comment on a jeté nos frères salafis dans la mosquée. Et on leur donne pas l'autorisation, on ne les laisse pas enseigner, on les attaque partout, en France et un petit peu partout. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils appellent vers le monothéisme, ils appellent vers la sunna. Ils blâment, ils avertissent contre l'associationnisme. Et ils avertissent contre l'innovation, et parce qu'ils appellent vers la voie du puiser, ils interdisent la voie. ديال الخلف وهكذا اتباع الانبياء ما جاء احد بمثل ما جئت به الا اودي وعودي وهكذا قال ورقه بن نوفل لنبينا عليه الصلاه والسلام قال يا ليتني فيها جدعا اذ يخرجك قومه قال ومخرجيه قال نعم ما اتى رجل بمثل ما جئت به الا عودي فالذي يدعو على طريقه الانبياء لا بد ان يعادى ولا بد ان يؤذى الصادق يتهم بأنه كاذب والأمين يتهم بأنه خائن هذا هو الذي نعرفه الآن ونشاهده ونعيشه من فهم الله عز وجل لديسيبل دي بروفيت عليه الصلاة والسلام كم نوفل ديال البروفيت عليه الصلاة والسلام ورقة بن نوفل ديال البروفيت عليه الصلاة والسلام tout un chacun qui ramènera quelque chose qui appellera vers la même voie sur, vers laquelle tu appelles son peuple va lui faire la guerre Et Naufal, Warqa ibn Naufal a dit à notre prophète, si j'étais jeune, au moment où ton peuple va te sortir, et le prophète dit, ils vont me faire sortir. Il me dit, oui, chaque personne qui ramènera, qui fera une dawa comme ce que tu fais, on va lui faire la guerre. Il lui sera fait la guerre. Donc, celui qui appelle vers la voie du prophète, selon la voie du prophète, c'est obligatoire qu'on l'attaque, et c'est obligatoire qu'on lui fasse du mal. Le véridique, on l'accuse d'être menteur, et le digne de confiance, on l'accuse d'être traître. Et c'est ce que nous voyons maintenant, ce que nous vivons maintenant. Et إذا كلمت الناس في التوحيد والشرك انفضوا من حولك وإذا كلمتهم فيما يقولون فيه من أخطاء في العبادة انفضوا عنه ولكن لو كلمتهم في الحكام والسياسة وماذا يحصل أنت الرجل، أنت العالم، أنت الحاكم، المسجد تمتلئ. فالناس إذا كلمتهم فيما لا يخصهم اجتمعوا حوله، وإذا كلمتهم في أخطائهم وخاصة في الشرك والبدع انفردوا من حولك لأنهم لا يحبون أن تكلمهم بما فيهم. Et si tu parles aux gens du monothéisme et de l'association, tu les avertis contre l'association, ils se sauvent autour de toi. Et si tu leur parles dans les erreurs qu'ils commettent, dans leurs prières et dans leurs ablutions, etc., ils ne restent pas autour de toi. Mais si tu leur parles des gouverneurs, et tu leur parles de la politique, et tu leur refais le journal d'El Khassila ou d'El CNN, mais ils se réunissent autour de toi. Et tu es l'homme, tu es le savant par excellence, tu es le sage, la mosquée se remplit. Mais si tu leur parles dans les sujets qui les touchent directement, ils se sauvent. Tu leur parles des choses qui ne le concernent pas, ils sont là. Hein? Tu leur parles de leurs erreurs, tu leur parles de l'associationnisme, et surtout de l'associationnisme et des innovations, ils se sauvent. Car ils n'aiment pas que tu leur parles des erreurs dans lesquelles ils peinent. فان ترى كثيرا من السماء هؤلاء الرموز كما يقال يتكلمون ويلمحون في السياسه وعن الحكام تلميحا او صراحه الجماهير حولهم والكاميرات وعلى التصوير حتى في المجال كما وقع في بروكسل في محاضره عائد القرن في المركز الاسلامي ولكن تكلمهم في لا اله الا الله وشروطها ونواقضها ينفرون عن الله عز وجل. Tu vois ce qui se passe autour de toi. Et tu entends ce qu'on dit de ces emblèmes. Les emblèmes d'Yel Dawam et Pnou, ce qu'ils appellent Sahwa. Hein? Comment on embellit leur image, comment ils parlent, et comment ils font allusion au cadre, comment ils font allusion à la politique. Hein? Des fois, ils le font clairement, des fois, c'est indirect. Comment les foules sont autour d'eux, les caméras, les appareils photos, jusqu'à dans les mosquées. Avec que compte la dernière arrivée de Aïd al-Qarni à Bruxelles dans le centre islamique, les caméras ont pris les photos à l'intérieur des mosquées à Khodan Islam. Mais si tu parles aux gens de la ilaha illallah, des conditions de la ilaha illallah, des annulations de la ilaha illallah, et tu leur parles des erreurs dans la prière et dans le dos, là, ils se sauvent. وأنت تسمع وترى الرموز الحركة عندما يتحركون في السعودية وفي غيرها من البلدان عندما يتحركون المساجد تمتلئ وشيوخ الدعوة السلفية حضورهم قليل هؤلاء يعلمون شيوخ المنهج السلفي الخالص طبعا لا ولكنها الدعاية الحزبية et tu vois autour de toi et tu vois et tu entends de ces emblèmes de l'activisme musulman quand ils bougent en Arabie Saoudite ou ailleurs que ce soit en Occident ou en Orient. Ah, les mosquées sont pleines. Et quand on bouge, les machaïrs d'Al-Tawas Salafia, il y a peu de présence. Est-ce que ceux-là, ces emblèmes d'Al-Haraka, d'Al-Activisme musulman, connaissent mieux le monothéisme et la foi du Pizayel que le machaïr d'Al-Salafia? Par Allah que non. Mais ce n'est que la propagande hizbite et activiste qui fait. Fandor Matalem, maïf alayou shabab mgraou le maghrib, fi ihlal. ونشر دروس محمد حسان وابو اسحاق الحويني ومحمد يعقوب والمنجد من دعاية حتى اذا قلت لهم انك لا تنصت اليهم ولا تنظر الى الفضائيات نظروا اليك نظره انكار واستهزاء وسخريه كانك جئت من المريخ. Regarde ce que font même la jeunesse musulmane, la jeunesse maghraouiste au Maroc, quand ils font, comment ils propagent, comment ils annoncent les cours. Qui va y avoir de Mohamed Hassan, de Abou Ishaq al-Houali, de Mohamed Yaqub. La propagande qu'ils font pour ces chelours, hein, pour leur cours et le rendez-vous de leur cours sur les télés, etc. Et quand tu leur dis que tu ne regardes pas les chaînes, que tu ne fais pas attention, que tu ne vois pas, tu n'écoutes même pas ces chelours, ben ils se moquent de toi. Ils te prennent pour insensé. Ils croient que tu descends de Jupiter. Au lieu de la Lune. C'est à peine si elle lève pas la main sur toi. فدعوه الانبياء فيها البلاء والامتحان ولا بد ان نسلك نفس السبيل الذي سلكوه ولسنا احرارا في دين الله نعمل فيه حسب شهواتنا وقناعاتنا. فهنا الله عز وجل دعوه النبي عليه الصلاه والسلام هي des épreuves et des examens. Il est obligatoire pour nous qu'on prenne le même chemin. Compris les prophètes, ils ne sont pas libres dans la religion de Allah. On fait selon nos envies, les envies des gens. La ya al-Islam, la voie, elle est tracée. La voie, elle est écrite min Allah Azza wa Jal. Fal-amtal, dit le Cheikh, Habibullah Ta'ala, fal-amtal, tumma al-amtal, humus salihun, al-sa'ilun, fi manajim, fi al-da'wati ila Allah, wa al-da'un ila mad'aw ilayhi min tawhid illah, wa al-khlas al-ibadati ila al-wahda. On a dit Cheikh, bima siwa, wa inalu min al-ada, wa al-bala, mitla ma asaba aswatu min al-bindiya. Le Cheikh continue de nous parler de nous parler des épreuves que subissent les prophètes, Et les gens qui ont une foi complète, les meilleurs et les vertueux, les meilleurs parmi les meilleurs, c'est là ceux qui suivent la voie des prophètes et qui appellent vers cette voie-là, et qui appellent vers, qui font la voie, comme l'ont fait les prophètes, qui appellent vers le monothéisme, vers le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, et avertissent contre l'associationnisme. Il leur arrive des épreuves, il leur arrive du mal, et ils ont un exemple dont les prophètes. ومن أجل هذا ترى كثيرا من الدعاة يحيدون عن هذا المنهج الصعب والطريق الوعر لأن الداعي الذي يسلكه سيواجه أمه وأباه وأخاه وأحباه وأصدقائه وسيواجه المجتمع وعدواته وسخرياته وأذاه يحيدون إلى جوانب من الإسلام لها مكانتها ولا يتنكرها من يؤمن بالله ولكن هذه الجوانب ليس فيها تلك الصعوبة والشدة والسخرية والأذى خصوصا في المجتمعات الإسلامية فإن سواد الأمة الإسلامية يلتفون حول هذا اللون من الدعاء ويحيطونهم بهالة من التبجيل والتكريم لا سخرية ولا أذى اللهم إلا إذا تعرضوا للحكام وهددوا كراسيهم فإنهم حينئذ يقمعونهم بكل شدة كأحزاب سياسية تناوب الحكام وتهدد عروشهم والحكام في هذا الباب لا يحاربون قريبا ولا حميما ولا مسلما ولا كافرا. Allah Azza wa Jal, cherche de nous dire, c'est pour ça que tu vois beaucoup de prêcheurs laisser cette voie difficile, la voie, l'appel vers le monothéisme. Cette voie difficile. Car celui qui prend cette voie, qui est la voie du prophète Alayhi Sallallahu Alayhi Sallam, il va être confronté à son père, à sa mère, à ses parents, à ses proches, à ceux qu'il aime, à ses amis. Il va avoir en face de lui la société. Et la société avec sa haine, sa moquerie, son mal. Et c'est pour ça qu'il dit que beaucoup de dua'as vont et parlent d'autres sujets dans l'islam qui ont leur place dans l'islam. Et que personne qui croit en Allah, subhanahu wa ta'ala, papa, ne croit pas en ces sujets. Et ce sont des sujets très importants, importants dans l'islam. Mais le fait de parler de ces sujets n'amène pas, ce n'est pas dur, ce n'est pas un chemin dur. Ce n'est pas un chemin dans lequel on va se moquer de la personne, surtout dans les sociétés musulmanes, où les foules tournent autour de ce genre de du'at. Ici, quand on parle de ces emblèmes, de sahwa, comme on dit, et qu'ils font, ils embellissent l'image de ces du'at et les honorent. Et donc ils ne vont pas subir. Et en parlant ainsi, en évitant de parler du monothéisme, de l'innovation, etc., ben on ne va pas se moquer d'eux. Ils ne vont pas subir du mal, ils vont subir du mal, comme dit Chérissi, sauf s'ils attaquent les gouverneurs et s'ils sont une menace pour le trône des gouverneurs. Dans ces cas-là, les gouverneurs vont les remettre à leur place. Ils vont les jeter en prison. Ils vont les traiter comme des partis politiques, qu'ils aident, qui les concurrencent pour le pouvoir et qui sont une menace pour leur trône. Et les gouverneurs, à ce sujet-là, pas de pitié, ni pour leurs proches, ni pour un musulman, ni pour un kafir. فإخوة الإسلام تصور معي الآن هؤلاء الذين يشتغلون بما يسمى بالتبليغ والدعوة هؤلاء أحوج من أن يبلغوا من أن يبلغوا وأحوج بأن يدعوا من أن يدعوا فتجد الواحد منهم واقفا في مسجد فيه ضريح يكلم الناس عن فضائل الأعمال وصيام الاثنين والخميس هذا أمر مهم أما هذا الصنم الذي بجنبه لا يتكلم فيه وكثير من تاب من هؤلاء يسألون عن صلاتهم في المساجد التي فيها قبور ودعوتهم فيها عندما كانوا في الهند وباكستان ودول الإسلامية أخرى ويبررون فعلهم هذا بأنه لا بد أن نتألف قلوب الناس حتى وإن وجدتهم يطوفون حول قبر يطوفون حول قبر طوف معهم وادخل معهم وضع يدك تحت إبطاحتهم وطوف معهم لكي يألفك فهذا جهل بدين الله عز وجل وجهل بمنهج أنبياء الله صلوات ربي وسلامه عليهم جهل بمنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله مشاركة القبوريين وأصحاب البدع والخرافات في ضلالهم وبدعهم من أجل دعوتنا هكذا فعل أنبياء الله لو فعل أنبياء الله هكذا ما أوذوا ولا ولماذا يؤذون؟ أن الله عز وجل imagine avec moi maintenant ceux qui s'occupent, qui font le globe trotteurs à travers la terre, qui disent que et qui s'occupent de ce qu'on appelle tibliroudawa. Ceux-là, ils ont besoin qu'on leur transmette. Il ne faut pas qu'ils transmettent quoi que ce soit. Ceux-là, ils ont besoin qu'on leur fasse dawa et qu'ils ne fassent pas de dawa. Mais ils ont besoin qu'on leur apprenne qu'ils ne doivent apprendre rien à personne. Tu trouves quelqu'un parmi eux debout dans une mosquée où il y a une tombe, il parle aux gens des vertus, du fait de jeûner, les bienfaits du fait du jeûne, du lundi et du jeudi. Ça, ça fait partie de la sunna. On ne le nie pas, frère Allah Azza wa Jalla. Mais cette tombe qui s'adore en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala et que tu ne parles pas de l'association qui s'y accomplit. Et beaucoup parmi ceux-là se sont posé des questions à Cheikh Ben Baz, Cheikh Ben Taymin sur leur prière et leur da'wah qu'ils faisaient dans ces mosquées dans laquelle il y avait des temples quand ils étaient en Inde, au Pakistan, au Bangladesh et dans d'autres pays islamiques. Ils prennent comme cause pourquoi ils agissent ainsi. Ils disent, il faut, on fait la da'wah et on, dans les mosquées dans lesquelles il y a des temples pour allucider les cœurs des gens pour qu'ils acceptent notre da'wah. Et même, si on les trouve en train de tourner autour d'une pomme, on va tourner avec et on mettra la main sous l'épaule de quelqu'un et on va lui faire dawa. Hein? Et ça, c'est une ignorance de la religion de Allah. Et une grande ignorance de la loi du prophète dans le dawa. S'associer aux Qoboris, aux adorateurs du temple et aux gens de l'innovation, des histoires avec Merdou et de l'égarement pour leur faire dawa. Est-ce que ainsi ils ont agi les prophètes salam? Si les prophètes avaient agi ainsi, ils auraient subi aucun mal, on ne serait pas moqué d'eux. لأنهم ينازعونهم على كراسيهم تنازع الحاكم على كرسيه وتريد من أن يقول لك أهلا وسهلا لا بد أن تسجدنا يا أخ الإسلام أنا ما أعزم جلي لزور parmi les كفيري les activistes un قطبين سرورين etc. Ils nos frères sont en prison. Mais la question maintenant qui se pose, est-ce qu'ils sont en prison parce qu'ils appellent vers le monothéisme selon la voie du prophète, ou là ils sont en prison parce que ils excitent les gens contre les gouverneurs et ils veulent la place du gouverneur? Le fait que le gouverneur le met en prison, c'est parce qu'ils lui font concurrence, ils veulent sa place. Toi, tu viens, tu concurrences le gouverneur, et tu veux son trône, et tu veux qu'il te laisse tranquille, qu'il te dise bienvenue. Obligatoire qu'il va te mettre en prison, il va te maltraiter. واحد يقول للحكام أنتم كذا أنتم فسقة ضيعتم الشعب وأموالوا أنتم كذا من فوق المنابر والمواقع وتريد أن يترك هكذا أنت تثيره عليك وتستفزه وتقول له لماذا سجنتني؟ Certains disent au gouverneur sur les sites d'internet ou là de leur manbar, etc. Vous êtes des pervers, vous avez lapidé l'argent du peuple, vous en avez fait, etc. Que ce soit dans les sites, que ce soit sur le monde, etc. Il veut qu'il le laisse comme ça. Toi, tu le provoques, tu veux qu'il te laisse comme ça. Et après, tu pleures, tu pleurniches. Pourquoi il m'a mis en prison? Le gouverneur est mis en prison parce que tu es fou. Tu n'es pas doué de raison. Tu n'as pas de raison. فما هذه طريقة الأنبياء ولا طريقة السلف الصالح سب الحكام وتنقيصهم على المنابر وبعد ذلك يبكون إذا سجنوهم وهذا ليس هو الأذى والبلاء أن يعرض الإنسان نفسه للسجن وبعد ذلك يبكي ويتباكى وليس هذا هو البلاء الذي تعرض له الأنبياء والرسل أبدا الغوبرنور التومي اون بريزون باسكو تي فو في الإسلام ça ça fait pas partie de la voie du prophète عليه الصلاة والسلام ni de la voie de plusieurs lois morales de négliger, de dénigrer les gouverneurs, et après tu pleures quand ils te mettent en prison. Ça, ce n'est pas une épreuve. Ce n'est pas la preuve qu'ont subi les prophètes. Toi, tu as été provoqué le gouverneur. Et après, il t'a jeté en prison, maintenant tu pleures, et tu fais pleurer les autres. Ça, ce n'est pas les épreuves qu'ont subi les messagers. فالرسل صلوا والأنبياء والخلفاء الإسلام لم يسجنوا من أجل هذا ولم يؤذوا من أجل نزاع الحكام على كراسيهم وإنما أوذوا ولا أو ما لقوا من أجل التوحيد وتصوير دعوات الأنبياء على أن دعوة التولية هذا كذب وافتراء على أنبياء الله Le prophète, alayhi sallam, et les messagers de la famille n'ont pas été mis en prison à cause du trône et du gouvernorat. Hein? Ils n'ont pas été mis en prison, ils n'auront pas fait de mal et ils sont moqués d'eux parce qu'ils concurrençaient les gouverneurs sur leur trône. Mais ils ont subi ce qu'ils ont subi pour le monothéisme et pour leur dawa vers le monothéisme. Et le fait de faire imaginer aux gens que la dawa du prophète, c'est une dawa de révolution, c'est une dawa révolutionnaire, ceci est un mensonge. C'est un énorme mensonge. إنما قدح في ذهن هذا الذي يروجه فأصبح يروي الأدلة من أجل أن تستقيم مع خياله ودينه فهذا يعيش في واد والأنبياء في واد آخر. Celui qui s'imagine, qui a fait imaginer, qui a propagé cette idée, comme quoi la dawa des prophètes est une dawa révolutionnaire, ceci, c'est une illusion qui s'est jetée dans l'esprit de cette personne pour un but, arriver au pouvoir. Et lui, il est dans un fleuve et la dawa des prophètes, il est de l'autre côté. وسبق من قال إذا أردت أن ينتف الناس حولك فسب الحكام وإذا أردت أن ينفردوا من حولك فكلمهم عن عيوبهم وعلمهم التوحيد والسنة فما إن تكلمهم عن ما لا يعنيهم اجتمعوا حولك وما إن تكلمهم فيما يخصهم انفردوا من حولك أخ الإسلام وهذا هو الواقع المر فالمساجد التي فيها ثروة ثورة وفتنة وتهيج تعطل حركة المرور. Allah Azza wa Jalla a dit vrai celui qui a dit, quand tu veux que les gens tournent autour de toi, insulte les gouverneurs. Quand tu veux qu'il n'y ait plus personne autour de toi, parle-leur de leurs défauts, parle-leur, apprends leur tawhid, apprends-leur la sunnah. Dès que tu commences à leur parler de ce qui ne les regarde pas, ce qui ne les concerne pas, ils vont se réunir autour de toi. Et dès que tu vas commencer à leur parler de ce qui les concerne, ils vont partir. Et même pas regarder la réalité en face. Et ça, c'est la réalité. Regarde les mosquées dans lesquelles il y a une révolution. Il y a une révolution. Et il y a le fait d'exciter les gens. Tu vois, des fois, ces mosquées, elles perturbent même la circulation dehors. Les gens, la mosquée ne les contient pas dans certains pays comme en Arabie Saoudite, ou un petit peu partout. Khoud Matalan, Cheikh Ibn Baz, Qaddasallahu Ruha, يذهب للمحاضرة في مكان فلا يأتي إلا القلة ويأتي رمز من بنيات الطريق فإذا بالناس على الرصيف ويتعطل السير لماذا؟ Prends comme exemple son éminence, Blumbaz, rahmatullah, avec Allah, subhanahu wa ta'ala, lui donne le firdaus al-a'la. Il va faire une conférence quelque part, il y a peu de gens qui arrivent pour s'abreuver de la science de cet homme. Et un emblème parmi les petits emblèmes de l'activisme musulman, arrive quelque part, à la mosquée est pleine, et il y a des gens dehors, et la circulation est gênée. Est-ce que maintenant ces emblèmes de l'activisme musulman sont plus savants que Cheikh Ibn Baz? La réponse, naturellement, est non. الكثيرة ليست دليلا على الإنسان على الجادة. Est-ce que maintenant ces gens-là, ces emblèmes de l'activisme, connaissent mieux la voie du prophète alayhi salatu wasalam? Naturellement non. Et qu'on se rappelle que le fait d'avoir beaucoup de monde autour de soi, ce n'est pas une preuve en soi. Ça ne prouve pas que la personne est dans la vérité. Loin de là, à l'islam. فالحاكم كما بين ذلك الشيخ رضيع حفظه الله تعالى في هذا الفصل لا يحابي أحدا في الحكم كما بين ها لو قام شقيقه ينازع الحكم قتله نعم أخوه من أبي وأمي ليس لأجل الدين فالحكام إذا قال عليهم العلمانيون أو الشيعيون أو التكفيريون سجنوا لهم على حد سواء وتجد في السجن الواحد علماني وشيعي وتكفيري. Donc les gouverneurs, frère d'Allah Azza wa Jal, comme nous l'a montré Cheikh Rabi ici, dans ce passage, pour ce qui concerne leur pouvoir, hein, si leur frère, de leur père et de leur mère, leur vrai frère, leur fait la concurrence, ils vont le tuer, ils vont le combattre. Eh oui, frère d'Allah Azza wa Jal. Si un laïc se lève pour prendre le pouvoir d'un gouverneur, il va le combattre, il va le mettre en prison, que ce soit un laïc, un communiste ou un tkfiri, peu importe pour eux. Du moment qu'il va leur faire la concurrence, ils sont dans le même pied d'égalité, dans le même pied, dans le même panier. Et des fois dans les prisons, dans le pays musulman, tu trouves dans une cellule un laïc, un communiste et un tkfiri, tous pour la même raison. ils veulent la place du gouverneur. فارسجن الحكام للشيوعيين والعلمانيين من باب نصرة الحكام للدين وارسجن الحكام للياسينيين والتكفيريين من باب العداوة للدين لا أبدا ولكن منازعتهم الحكمة للحاكم فهم الله عز وجل بوزون لها الكيستيون maintenant est-ce que le fait que le gouverneur mette en prison le laïc en prison le communiste en prison ça fait partie du fait de faire triompher la religion loin de là. Il en est de même. Est-ce que le fait quand un gouverneur mis en prison, un yassinite, ou un tkfiri, ou un qurtbi, ou un sorori, est-ce que c'est sa part haine de la religion? Loin de là. Mais tout simplement dans les deux cas, parce qu'il le concurrence pour le pouvoir. فسجن العلماني والشيوعي ليس من باب نصرة الدين ولكن إنه من باب الدفاع عن الكرسي الفيت دومبريزوني لو لايك لو كومونيست سا في با بارتي دو فيت دو فير تريومفي لا ريليجيون مي بور ديفوندر لا بلاس لو بوفوار كذلك هؤلاء الحركيين والحزبيين من تكفيريين وياسينيين وقطبيين سجنهم ليس من باب العداوة للدين لكنهم يسجنون لمنازعتهم الحكام كرأسهم وليس سجنهم من باب العداوة للإسلام Il en est de même pour ces activistes et ces hizbis, que ce soit les Tkfiri, les Yassini, les Qutbi, les Sorori, etc. Le fait de les mettre en prison, ce n'est pas la haine de l'islam qu'ils ont les gouverneurs, loin de là. Mais ils les ont mis en prison parce qu'ils les concurrencent, ils veulent leur poste, ils veulent leur pouvoir, ils veulent leur siège, ils veulent leur trône. Le fait de les mettre en prison, ce n'est pas une haine contre l'islam, loin de là. فسجن العلماني والشيوعي ليس من باب نصرة الدين فالمسألة حماية للعرش كل من قام ينازع العرش قتل الفيت دو لو ميتر ان بريزون لايك سيونيست شي كومونيست اكسيتيرا ça ne fait pas partie du fait de triompher la religion et la même chose pour quand un kfiri il est mis en prison etc c'est pas une haine contre l'islam non C'est juste pour protéger le pouvoir de la personne. Le gouverneur protège son pouvoir. Tout un chacun qui se lève pour le concurrencer pour le pouvoir, bah, il le met en prison. هذا الشيخ مقبل مثلا كان يدعى من طرف رئيس الجمهورية اليمنية كثيرا ولا يذهب رحمه الله تعالى إلا نادرا وفي بعض الأحيان يحمل إلى الرئيس بيذهب رحمه الله وينصح ويعمل معه ويجد الحزبيين أمام الباب ينتظرون الإذن بالدخول وهو يحمل حملا ويدخل على الرئيس. خلينا نعطيكم مثال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. Souvent, beaucoup de fois, il est invité par le président de la République yéménite. Et puis des fois, il y va pas. Et des fois, on vient le chercher pour l'emmener. Il va, rahmatullah alayh, il fait les conseils, il remplit son devoir, il trouve devant la porte du président de la République yéménite, les hizbis en train d'attendre leur tour pour être acceptés. Et lui, on le fait rentrer directement. وكان رحمه الله يقول للرئيس الإعلام فيه كذا وكذا يجب أن يصلح وزارة العدل فيها رشوة وما لا يدري فيقول له الرئيس خذ أي وزارة تريد فطبعا الشيخ يرفض وعرض عليه غير ما مرت وزارة العدل ورفض مفضلا التدريس والدعوة إلى الله رحمه الله تعالى دونك Classe par exemple le comble de 60 mètres encore, il disait au président de la République, dans le ministère de la communication, il y a ce problème, il faut y remédier. Dans le ministère de la justice, il y a les pots de vin, il y a ceci, etc. Le président de la République, il dit, prends n'importe quel ministère, et viens, prends la tête de ce ministère, on te le donne, et remédie au problème. Et même deux fois, on lui a proposé le ministère de la justice, il a refusé. Plus d'une fois, il préférait enseigner et faire dawa ilallah wa subhanahu wa ta'ala. Wa kana ar-ra'is yaqulu la utlub ma turid fa yujibu annahu la yuridu shay'an. Wa yujibuhu ar-ra'is kullu man yadkhul minna huna yatlub. Fa yaqulu la shay' la uridu shay'an. Utlub ma turidu u'tiyak illa hadha. Wa yushiru wa ashara ila al-kursi rahimah. Amma hadha fa dunahu ar-riqab bi kulli saraha. Ay shay'in turid yatahaqqaq illa al-kursi fa dunahu ar-riqab. Et le président de la République, Yamanek lui disait, demande ce que tu veux. Le chef lui dit, moi je ne veux rien. Il lui dit, tout un chacun qui rentre ici, il demande. Le chef lui dit, moi je ne veux rien. Et le président de la République, il lui dit, demande ce que tu veux, sauf ça. Il montrait son siège, son trône. Il lui dit, sauf celui-là. Celui-là, c'est le massacre. Celui qui vient le concurrencer, c'est la tuerie. Celui-là, personne ne l'aura. Regardez. هذا هو حال جميع حكام الدنيا. منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها. وقليل منهم من لا يريد العلو في الأرض كأنبياء الله وأتباعهم. فنبي الله سليمان أعطاه الله الملك وسخره للدين وشكر لربه. قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. وذو القرنين قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. فلا يغترون بالملك ولا يفرحون بالدنيا. كانوا يعرفون قدر الدنيا وقدر أنفسهم. Frérons Allah Azza wa Jal, on va terminer avec ceci. Ça, c'est la situation de tous les gouverneurs depuis l'aube des temps. Depuis que Allah Subhanahu wa Ta'ala a créé la terre, qu'il y a des gouverneurs, ils protègent leur pouvoir et leur siège. Et peu parmi les gouverneurs qui ne vont pas à l'élévation sur terre, comme les prophètes d'Allah Azza wa Jal et leurs disciples. Le prophète Suleyman, alayhi salam, Allah Subhanahu wa Ta'ala lui a donné un royaume unique. Il n'y aura plus de royaume que le royaume de Suleyman, alayhi salam, sur cette terre. Et de ce royaume, il a mis son royaume et son pouvoir au service de la religion. Il a été reconnaissant vis-à-vis de son souverain. Et il dit dans le Coran, ça fait partie des bienfaits avec lesquels il m'a comblé pour me prouver, est-ce que je vais être reconnaissant ou là, je vais être ingrat. Et donc, quand même aussi, quand il a terminé de fermer le barrage, il va sortir Gog et Magog, il a dit, ça c'est la clémence de mon souverain, et quand arrivera l'ordre de mon souverain, il va l'anéantir. Et la promesse de mon souverain est véridique. Enfin, les prophètes d'Allah et leurs disciples ne se font pas avoir avec la royauté, avec le pouvoir. Ils ne se réjouissent pas de ce bas monde, car ils connaissent la valeur de ce bas monde. Ils connaissent leur valeur aussi, frères en Allah. Et ce sera là qu'on s'arrête pour aujourd'hui, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Shalom la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Wa ahsallahu alaykum. Wa jazakumullahu khairan.